J'ai beaucoup entendu parler du documentaire Demain. J'avais même participé au crowdfunding pour financer le film, car je trouvais l'initiative vraiment bien. Je pensais trouver des solutions ou des alternatives originales. Mais je dois dire que ça a été une vraie déception. Je me suis un peu ennuyée. 2 heures, c'est long. Rien de nouveau et un peu de solutions locales. J'attendais des exemples concrets qui manquent.